o programa que lhe vai fazer companhia, isso até às 12 horas, a levar o melhor da música portuguesa. Espero que estejam todos bem dispostos aí desse lado. Mais uma vez, as temperaturas vão ser elevadas aqui na zona de Orleans. As primeiras palavras vão para todos os espectadores que estiveram neste fim de semana para o grandioso espetáculo da Rádio Arc-en-Ciel. A festa dos Santos Populares, mais uma vez um imenso sucesso. Obrigado a vocês todos. Portanto, mais uma vez um imenso sucesso, esta grande festa organizada por toda a equipa da Rádio Arc-en-Ciel, mais uma vez a todos aqueles que participaram para ajudar, sem eles também não seria possível, a todos os patrocinadores, etc, etc. Muito obrigado a todos vocês. Nós estamos aqui é mais para oferecer música, música para você passar uma manhã bem agradável connosco, e eles prometeram em palco, eles prometeram e fizeram. DNA, nova música, A Dança no Arraial. Eles que fizeram um grande show. Grandes showmanes, grande espetáculo. Essa roda, conquistar essa menina. Um povo que é esperto. Aos dois nos que juntar. Todos abriram uma roda. Eu e ela lá no meio com uma banda a tocar. Dança com ela no arraial. Dança com ela, mostra como é. Dança com ela, ninguém leva a mal. Dança com ela no arraial. Dança com ela no arraial. Dança com ela, mostra como é. Dança com ela, ninguém leva a mal. Dança com ela no arraial. Dançamos agarradinhos, não falhamos um compasso. Ela gira, ela roda. Ai meu Deus, o que é que eu faço? O povo que é esperto, aos dois nos que juntar. Todos abriram a roda, eu e ela lá no meio com uma banda a tocar. Dança com ela no arraial. Dança com ela, mostra como é. Dança com ela, ninguém leva a mal. Dança com ela no arraial. Dança com ela no arraial. Dança com ela, mostra como é. Dança com ela, ninguém leva a mal. Dança com ela no arraial. Ai, vocês também deviam ter dançado ao som dos DNA. Ao som desta música não, que eles vão cantar. Mas esta música dá mesmo para dançar, hein? É mesmo um arraial. No arraial, dança com ela, mostra como é. Dança com ela, ninguém leva mal. Dança com ela no arraial. Dança com ela no arraial. Grande profissional o Alex, vocalista dos DNA. Se todos os artistas fossem assim, maravilha. Portanto, aqui estamos até às 12 horas para levar o melhor da música portuguesa. Um muito bom dia para todos vocês. E também queria mandar um abraço muito, muito forte para todos vocês. São extraordinários. Rui Bandeira, ele também vem aí. Cuida de mim. Nós temos que cuidar de nós, não é? Vamos lá, cuide-se. Falem mal de mim e digam que ando a esconder. tenho de mulher podem tentar nos destruir. Mentiras não conseguem atingir quem já é feliz. Se querem me afastar, com o que vão dizer? Podem tentar nos separar. Sem tempo a perder, por isso peço para ficar. O amor é bem mais forte, vai vencer. Vai, podes crer. Foi por ti que eu voltei, sem medo de querer amar. Não posso mais ligar se a rua quer falar. Adeus, eu peço ser feliz. Contigo junto a mim, vamos sonhar. Cuida de mim, eu de ti. Que seja por muitos anos. Cuida de mim e eu de ti. Este amor nunca te engana. Cuida de mim e eu de ti. Nós os dois a vida inteira. Podem tentar nos separar. Sem tempo a perder, por isso peço para ficares. O amor é bem mais forte, vai vencer. Tu podes crer. E foi por ti que eu voltei, sem medo de querer amar. Não posso mais ligar se a rua quer falar. Adeus, eu peço ser feliz. Este amor nunca te engana. Cuida de mim e eu de ti. Nós os dois a vida inteira. Cuida de mim e eu de ti. Que seja por muitos anos. Cuida de mim e eu de ti. Este amor nunca te engana. Cuida de mim e eu de ti. Nós os dois a vida inteira. De mim, vamos lá então, como eu disse, cuidar uns dos outros e este mundo seria melhor se fosse assim, hein? Vamos lá, eu também queria agradecer a toda a juventude que esteve presente no Parque de Linhola este fim de semana. É agradável ver a multidão e ver os jovens ali todos bem divertidos e isso fez-me imenso prazer. Portanto, vamos continuar aqui com a música Fala Para Mim. Vamos lá falar. E quem é? A grande artista que esteve presente. Aquela artista que dá, faz vibrar o público. A Cláudia Nayara. Quantas vezes discutimos? Mais uma vez, um muito obrigado a ela. Pelo espetáculo e por tudo que ela fez por nós. Ela e o agente artístico foram extraordinários. E o técnico também. Oi. Um pouco de atenção. Não quero mais falar sozinha. Se existe amor, vida sofrida, fala para mim. Mas com sentido, porque Deus nos fez mulher e marido. Fala para mim, fala para mim. Fala pra mim, o teu destino. fala para nós, ela não fala, ela canta. Esta voz cigana. Deus nos fez mulher e marido. Fala para mim, fala para mim, que eu não. Grande voz da música portuguesa, Cláudia Niara. Nós aqui falamos mais nos artistas, assim, já de grande nome, mas também não podemos esquecer o conjunto de Capa Negra, as concertinas, os tambores. Eles também foram extraordinários. Eles fizeram vibrar o nosso público, aquela grande multidão que esteve ali sábado à noite, domingo. Domingo as pessoas estavam mais afastadas para a sombra, mas havia uma multidão enorme. Os portugueses, e não só, estavam concentrados ali no Parque de Linhol este fim de semana e não sabem como faz aquecer os corações aqui dos membros do Conselho da Rádio Arconcel, onde se vê quando organizamos e vê-se multidões e multidões. Obrigados mais uma vez. Não diremos que chegue, porque vocês foram extraordinários, os artistas também, passou-se tudo mil maravilhas. Este jovem talento também deu o melhor pôde. Ele também fez um grande show, o Nino da Concertina, e ele e as suas ninetes. Vamos lá ouvir. Dançam lá na enfermaria, presidente e secretária, na junta de freguesia. Vira, vira, vira, tira o pé do chão, ainda a batida, pé do alcatrão. Vira, vira, vira, e agarra-te a mim, as voltas do dia são dadas assim. Vira, vira, vira, tira o pé do chão, ainda a batida, pé do alcatrão. Vira, vira, vira, e agarra-te a mim, as voltas do dia são dadas assim. Cada na sua iate dá pezinho de dança, costureira e alfaiate, vira o rancho e não se cansa. Até o talhante vira a desmanchar o presunto, também o dança o palveiro lá na cova do defunto. Vira, vira, vira, tira o pé do chão, ainda a batida, pé no alcatrão. Vira, vira, vira, e agarra-te a mim, as voltas do dia são dadas assim. Vira, vira, vira, tira o pé do chão, ainda a batida, pé no alcatrão. Vira, vira, vira, e agarra-te a mim, as voltas do dia são dadas assim. Quem é que aguenta ouvir? E virou! Nino da Concertina, eu diria que é o nosso neninho aqui. Ele que fez um grande show, este jovem, é um jovem talento, mas que já tem muita experiência de palco. Agora também veio aí aquele, assim, que já tem mais... Sei lá, já tem uma carreira mais confirmada há muitos anos, que anda nas estradas. Ele chama-se Eduardo Santana. Ele também... cantou a canção do Ambrósio e vocês também foram extraordinários com ele. Ele também diz muito obrigado a todo o público aqui do Orleans. Desde já todos os artistas nos ligaram para dizer um muito obrigado aqui ao nosso público, que o nosso público foi extraordinário e não só. Foram acolhidos com mil maravilhas, tanto no Parque de Lignol para comer a estadia, tanto no hotel onde eles estiveram, e também no restaurante à noite. Portanto, eles apreciaram muito a estadia aqui em França, em Orleans, com a comunidade portuguesa e a Rádio Arc-en-Ciel. Muito obrigado a todos vocês também. E agora não era um docinho, era um croissant. Era se calhar já um gelado, não é? Se calhar com este calor, Eu não escolho os meus dias, vale a minha fantasia e o desejo me acorde. Este cenário que lhe dá mais bom som, sou chofer, sou mordomo e até ponho um bigode. Vai um gelado, eu dou. Vai um chazinho, eu dou. Se não for isso a casa não cai. Artigo-me que me dê, mudo o meu nome outra vez. E deste jeito a coisa vai, vai, vai. Se queres um docinho, pede ao Ambrósio. E o chocolatinho, pede ao Ambrósio. Tudo que me pedires é uma ordem que me traz. Pede ao Ambrósio que ele traz, traz, traz. Ambrósio? Traz, traz. Traz, traz. Pede ao Ambrósio que ele traz, traz, traz. Traz, traz. Traz, traz. Pede ao Ambrósio que ele traz, traz, traz. Que seja. Yes, my darling. Sim, claro. Os teus desejos são ordens, meu amor. Que desejo? Que desejo, coração? Criarão um não. Se queres um docinho, pede ao Ambrósio. E um chocolatinho, pede ao Ambrósio. Tudo o que pedires é uma ordem que me das. Pede ao Ambrósio que ele traz, traz, traz. Ai, se queres um docinho, pede ao Ambrósio. O baile na aldeia levava na ideia toda a noite bailar. A festa estava animada, toda a gente bailava e eu não tinha par. Mas de repente encontrei uma linda morena que pediu para dançar. Eu disse que não sabia, mas ela insistia e quis me ensinar. Mas ela insistia e quis me ensinar. É só um passo para frente, mais um passo para trás, para começar. E se fizeres com jeitinho e tudo devagarinho, logo vais aprender. Eu pus a mão na cintura e depois pouco a pouco fui falando com ela. Quando o baile acabou, ela me convidou, fomos para casa dela. Quando o baile acabou, ela me convidou, fomos para casa dela. Eu fui ao baile na aldeia, levava-me a ideia toda a noite bailar. A festa estava animada, toda a gente bailava e eu não tinha par. Mas de repente encontrei uma linda morena que pediu para dançar. Eu disse que não sabia, mas ela insistia e quis me ensinar. Eu disse que não sabia, mas ela insistia e quis me ensinar. É só um passo para frente, mais um passo para trás, para começar. E se fizeres com jeitinho e tudo devagarinho, logo vais aprender. Eu pus a mão na cintura e depois pouco a pouco fui falando com ela. Quando o baile acabou, ela me convidou, fomos para a casa dela. Quando o baile acabou, ela me convidou, fomos para a casa dela. Depois pouco a pouco fui falando com ela. Quando o baile acabou, ela me convidou, fomos para a casa dela. Quando o baile acabou, ela me convidou, fomos para a casa dela. Não se fará tarde se vieres comigo. Não se fará tarde se vieres comigo. Levo na algibeira, trailarai, larai, o nosso amor antigo. Levo na algibeira o nosso amor antigo. Oh Clementina, vem à janela. Oh Clementina, vem à janela. Ai, ai, ai, que eles vão para a festa. Ver os moços novos. Ai, ai, ai, que eles vão para a festa. Que eles vão para a festa. Vem de madrugada. Que eles vão para a festa. Vem de madrugada. A cantar canções da larai, larai, de pernas trocadas. A cantar canções da larai, larai, de pernas trocadas. Eu ando de pernas trocadas atrás de ti, até a tia Clementina te fala de mim. Bebo mais um copo e deixo a timidez fugir. É desta que o Santo António se lembra de mim. É dia de festa, cheira a mês de junho pela rua. A cidade inteira grita pela Clementina. Oh Clementina! Oh Clementina, vem à janela. Oh Clementina, vem à janela. Eles moços novos, ai, ai, ai, que eles vão para a festa. Eles moços novos, ai, ai, ai, que eles vão para a festa. Eles vão para a festa, vem de madrugada. Vem no meio, vem no meio. Vamos lá viver a vida. Vocês são extraordinários. É a palavra de hoje, extraordinário. Vamos beber, vamos viver a vida. O telefone não para de tocar. Vamos dançar. Para nos dar os parabéns. Vamos viver a vida. Pelo grande arraial dos Santos Populares. Vamos brindar, vamos beber. E aqui estivemos com a nova música desta dupla, do José Alberto Reis e o Marcos. A mistura do Brasil e Portugal dá isto assim divertido. Agora, um conjunto, um grupo, os Damas. E eles vão nos interpretar a canção da Ágata, Sozinho. Sozinha. E ela também participou. Ouçam esta nova versão. Vamos mesmo metê-la ao princípio para vocês ouvirem tudo. Vamos lá. Desta vez vou-te dizer, vou dizer na tua cara o que eu nunca consegui. Prefiro estar sozinho. Ai, sozinho não, eu gosto de estar na multidão. Vamos lá. Nem sempre, não é? Sozinha, esta nova versão aqui um bocadinho mais especial, com mais batida, Sozinha, os Damas, com a participação da Agatha. Agora vem aí o novo título de quem? Santa Maria. Nós gostaríamos de ter aqui um dia na festa dos Santos Populares. Se houver um patrocinador, hein? Força, liga. Vivo de ti. Ela voltou mesmo, Santa Maria, aqui nas platinas da Rádio Arconcel. Uma música que saiu apenas há dias e já está a fazer sucesso. Agora vamos ouvir uma, a mais linda história de amor. Ai, amor, logo, calma, vamos acalmar aqui, vamos lá, ouvir. Isto é uma música para um casamento, ouça. Que acaba no altar, nada de mais bonito. Romantismo, vamos lá, também é preciso. A mais linda história de amor. Ah, isto assim mais calmo, por vezes também faz bem, hein? Depois de todo este revoliço durante este fim de semana. Agora vamos viajar até à Espanha com Enrique Iglesias. Tus ojos, ojos por mí. Que dijiste se quedó dentro de mí como una herida invisible que no deja de latir. Tu risa fue mi refugio, tu voz mi realidad. Ahora solo hay silencio en esta oscuridad. Quise volar contigo, caí sin red, caí en los sueños tuyos, como si fuera mi fe. En tus ojos me perdí, sin mapa, sin regreso. Tu amor fue mi país y yo hoy camino sin un cielo. Aunque ya no estés aquí, tu sombra sigue en mi piel. Encontré después. Recuerdo cada promesa, como un eco sin final. Tus besos serán la tregua a mi eterna soledad. Hoy mi mano es solte y no hay más que el ayer. Pero si cierro los ojos, te vuelvo a ver. En tus ojos me perdí, sin mapa, sin regreso. Tu amor fue mi país, yo hoy camino sin un cielo. Sigue en mi piel, en tus ojos me perdí y no me encontré después. Quizás el tiempo me salve o me enseñe a olvidar, pero siento tu nombre cada vez que quiero amar. En tus ojos. Y aún te busco, mi amor. Te penso. ela sei que não dá. Deixa-me falar. Juro que tentei, mas não consigo, porque eu não posso ser só teu amigo. Dá-me uma razão para não querer-te. Não estou preparado para perder-te. E teus beijos me sabem bem. Teus beijos me sabem. Dame, dame, dame, dame, dame de tu. quem vier. A melhor sogra do mundo é a sogra da minha mulher. Sempre foram mal faladas as pobres coitadas que tanto Santa mulher, sei que quando eu quiser com sempre comigo. Eu sei, meu A boa disposição, a boa música é na Rádio Arcancel no 96.2. É o programa Viagem da Saudade que lhe está fazendo de companhia. E isso até às 12. E temos aqui um convidado para nos falar um bocadinho do que se passou este fim de semana. Um fim de semana muito, muito, muito bonito aqui na zona de Orleans. Olá, bom dia. Bonjour. Bonjour Lionel, bonjour à tous ceux qui nous écoutent, à nos auditeurs. Et oui, voilà, enfin, voilà, enfin. Enfin, c'est fini pour nous. Fini pour nous, en tout cas, oui. On peut déstresser, décompresser. En tout cas, oui, voilà, bah écoute, qu'est-ce que tu veux dire? On a des bons retours, hein. Moi j'ai eu déjà plusieurs appels, beaucoup d'appels même. Il y a pas mal d'appels ce matin, ouais, j'ai vu ça, oui. Et mais aussi sur les réseaux, beaucoup de gens sur les réseaux qui nous félicitent, bah Radio Arc-en-Ciel et toute l'équipe, bien sûr. Mais faut nous dire que cette année, tous les ans, il y a des beaux artistes, mais cette année, on avait quand même une belle affiche. Une belle affiche, le temps était présent. Comment dire, le parc était beau, hein. On remercie tous ces bénévoles, bah, tous ces bénévoles, tous ces gens. Voilà, c'est tout un travail qui se prépare à beaucoup de temps à l'avance, justement pour avoir. Disons nous vendredi, on a, toute une équipe était déjà sur le parc, hein, pour tout ce qui était logistique. Dès vendredi matin à 8h, il y avait déjà toute l'équipe des bénévoles qui était là toute la journée jusqu'au soir. De samedi matin, pareil à 8h, jusqu'à 3-4 heures du matin, on va dire ça quand nous on est parti. Et le lendemain à 7-8 heures. Bah, à 8 heures. Il y en avait qui étaient là-bas déjà à 7 heures. Donc ça veut dire que de samedi à dimanche, pratiquement pas grand monde, on n'a pas beaucoup dormi. Et on avait tous le sourire. Alors c'est ça, c'est extraordinaire. C'est ça. En tout cas, bah, un grand merci à tous ces gens-là, mais aussi un grand merci au public. Parce que ils étaient tous présents et ça fait chaud au cœur de voir tout ce monde-là. Oui, il y avait plein de jeunes, c'est ça qui nous donne aussi l'envie de continuer, l'envie de produire des spectacles comme ça pour les jeunes, que ça continue, que ça. Bah, ça reste, quoi. Malgré la chaleur qu'il a fait samedi, il a fait une chaleur pas possible. Je veux dire, même le soir, il faisait encore chaud. Le dimanche, un peu moins chaud parce qu'il y avait un petit peu de. Ah, des fois, le soleil cognait quand même. Ouais, mais il y avait un peu d'air. Il y avait un peu d'air le dimanche. Mais oui, que ce soit le samedi ou le dimanche, bah, le parc, on peut dire qu'il était plein. Voilà. C'est, en tout cas, un grand merci à. Oui, le dimanche, les gens, ils se sont étalés un petit peu plus à l'ombre. Ils cherchaient l'ombre. L'ombre, voilà. Parce que si on regardait aux alentours, d'un côté droit à gauche. À un moment, on pensait qu'il y avait sur le parc, il y avait pas grand monde. Mais non, ils étaient tous sur les côtés où il y avait un peu, le peu de monde. Ouais, même derrière le petit lac. Voilà, bah, le lac, la butte. Il y avait plein de monde. Et oui, et puis un grand merci aussi. Alors déjà, en premier lieu, un grand merci à la mairie de Fleury-les-Aubrais, parce que sans eux, bah, pour le parc. Faut dire qu'on tente on essaye de laisser le parc comme on l'a pris. Et ça, c'est important. Voilà. Et puis on essaye tout le temps de aussi grâce à tous les bénévoles qui sont là le lundi. Et parce que c'est une journée, une des plus dures, hein, lundi. Le lundi, c'est une journée des plus dures. Alors cette année aussi, il y a eu quand même, on a eu une scène qui a fallu monter et démonter nous-mêmes, avec bien sûr la personne responsable de la scène. Donc ça implique un peu plus de monde. Donc en tout cas, un grand merci à eux. À tous ceux qui sont les bénévoles, qui ont passé deux jours à monter et démonter. Et je peux vous dire que la journée de vendredi, quand ils l'ont monté avec la chaleur qu'il a fait, la ferraille, elle était brûlante. Il fallait des gants, sinon ils Il fallait des gants pour toucher la ferraille, parce que nous-mêmes, on a touché pas la même ferraille, mais d'autres ferrailles, c'était déjà brûlant. Alors j'imagine ce qu'ils ont dû endurer. En tout cas, un grand merci. Il y avait toute une équipe d'une quinzaine de personnes, je crois. Sur les deux jours, oui, sur les deux jours, il y avait même plus que ça. Plus que ça, ils étaient à peu près neuf. Rien que pour la scène, le samedi et puis le lundi. En tout cas, merci à eux. Ça, c'était notre petite sauce à nous, quoi. Ouais, en tout cas, merci à eux. Merci donc à Fleury-les-Aubrais. On remercie Madame la maire, bien sûr, pour son aide, son soutien aussi. Il y en a beaucoup d'autres. Et puis l'équipe technique. J'allais en parler. L'équipe technique qui nous a mis en place. L'équipe technique de la mairie qui nous a mis en place tout ce qu'on avait besoin, les évacuations, les éviers. Ben bref, tout quoi, le prêt, du matériel. Un grand merci aussi à eux. Après, on peut remercier tous les gens qui ont participé de loin et de près, mais surtout les restaurants qui ont bien voulu. Je vais citer des noms, mais après il y en aura d'autres. On vous oubliera pas de toute façon. On veut remercier par exemple Tamaris qui nous a aidé généreusement, aidé le dimanche midi pour les artistes. Après, on avait aussi Oiseau de Tipeee qui a accueilli tous les artistes le dimanche soir. Et je vous dis qu'ils ont été bien accueillis. Très ça, bien. J'ai eu des retours des artistes. Pratiquement, ils m'ont tous laissé un message pour nous remercier le repas que Oiseau de Tipeee leur avait offert, la convivialité qu'il y avait. Un bon accueil. On tient à remercier l'équipe de Oiseau de Tipeee. Et aussi, bien sûr, sans oublier toute l'équipe aussi de Tamales qui a fait tout ce qu'il fallait pour le dimanche midi et le samedi soir aussi. Oui, j'étais super content. Au bacalhau de natte, c'était super bon. C'était super. Ouais. Un grand merci. Après, bien sûr, ils étaient super contents parce qu'ils ont dormi dans le grand hôtel d'Orléans. C'est les Trois Vallées. Je vais laisser ça, je pense, à Christine qui va en parler, qui aura l'occasion d'en parler pour remercier tous ces gens-là. Parce que je sais que, bien sûr, il y en a d'autres. On va en oublier. RPG qui a fait un service extraordinaire, qui a été chercher les artistes à l'aéroport. Il y en avait une quinzaine autour d'une quinzaine. Et qui a été les chercher, qui les a baladés à l'hôtel, au resto. Toute la journée du dimanche. Ils se sont bien occupés d'eux. Ils étaient super contents. Ainsi que ils ont donné un petit surnom. Je vais pas le dire, mais en tout cas, José était super un grand accueillant merci, à lui. Un grand merci à José et à Véronica pour leur aide aussi. Aussi remercier les établissements Mariano pour leur aide logistique. Le camion frigo, tout le bar, les machines. Donc un grand merci à Monsieur Mariano, ainsi qu'à Luis qui a représenté la maison Mariano et tous les techniciens qui accompagnaient Luis. Donc un grand merci à eux. Parce qu'il y avait des techniciens pour les boissons, pour les machines, pour les régler, parce que comme il faisait chaud, ils avaient peur que ça se règle différemment. Enfin, il y avait toute une logistique. On tient vraiment à remercier. Merci tout le monde. Toute l'équipe de Radio Arc-en-Ciel. Il faut s'en remercier quand même. En tout cas, merci à tous nos sponsors qui nous ont encore une fois fait confiance. Un grand merci pour leur aide, sans qui, bien sûr, on ne pourrait pas faire une genre de fête comme ça. Après le spectacle, on tient à remercier Kappa qui a fait un super show samedi soir. C'était un beau spectacle. Le DJ Booba aussi qui a bien fait vibrer tout le podium. Et puis il y avait Ousbombs qu'ils ont animé. Madame la Mère est à chaque fois elle est. Je vais pas dire à genoux, mais elle est toute émerveillée devant. Elle aime bien le partage des choses. C'est vrai, elle est super. En tout cas, oui, un grand merci à Madame la Mère, justement, encore une fois, pour son aide. Et je sais qu'elle aime bien tout ce qui est percussion. Donc ça, je pense que ça a dû lui faire plaisir. Merci à tous nos bénévoles. Aussi, pas oublier tous nos bénévoles sur 4 jours, pratiquement. Ouais, c'est pas évident. Sur 4 jours. Et souvent, on n'a pas trop le temps de s'occuper d'eux, parce qu'on est pris un peu partout, la direction. On est appelé un peu partout. On les laisse des fois un petit peu à l'abandon. Moi personnellement, j'avais des gens de la famille qui étaient là le dimanche. Je les ai vus. J'ai même pas pu aller discuter avec eux. C'est pareil. Mes petits enfants, je les ai vus à peine. Voilà. Donc, en tout cas, ça s'est très très bien passé. On a eu tout ce qu'il fallait. Le beau temps, les gens qui étaient présents. Ce qui me faisait plaisir, c'est que tu passais à travers le parc et tu voyais que les gens ils souriaient, ils discutaient entre eux. Et ça nous laisse heureux. Oui, tout à fait. Alors bien sûr, il y aura toujours des choses à améliorer et c'est le but aussi. Hein, s'il y a des critiques, on n'est pas parfait. On les accepte. On est toujours prêt. Mais jusqu'à maintenant, sur ce que j'entends et ce que je vois, c'est que des bons. Moi, j'ai eu que des compliments ce matin. Moi, c'est pareil. Là, tout à l'heure, je vois qu'on appelle pour nous remercier. Sur les réseaux, c'est pareil. Ils nous félicitent pour tout ce qui a été fait. En tout cas, on fait du mieux qu'on peut. Toutes les entreprises qui étaient là présentes avec leurs stands. Il faisait chaud pour aussi, parce qu'en dessous une petite tonnelle, je peux vous dire que ça chauffe quand même. Ouais, avec le soleil qui tapait toute la journée dedans. Je sais que la dame qui vendait des bijoux, on a été obligé de leur mettre des tonnelles, parce que comme c'est de, c'est pas de la ferraille, c'est pas de l'or non plus, ça doit être, je sais pas, du plaqué, enfin. Ça, le soleil tapait, ils pouvaient pas les gens, ils pouvaient pas les essayer, parce que c'était tellement trop chaud. C'est quoi, c'est sûr, ça brûle. Oui, voilà, on c'est a voilà. Obligé de, on a été obligé de s'adapter, de mettre notre tonnelle. De couvrir, de... oui, la dame, je l'ai vu, elle a couvert tout ce que c'était bio du soleil, comme justement. Comme quoi, bon, c'est... Ouais, c'est vrai, ouais, c'est vrai. On s'adapte. Donc, que dire d'autre? Si vous avez justement les auditeurs qui nous écoutent ce matin, dites-nous les petits défauts ils peuvent appeler, pour nous dire qu'on pourra changer. Voilà, même s'ils ont des petites critiques, ils peuvent nous appeler. Il y a pas, on accepte. Hein, ça, c'est pas un souci. Des plus positives. Voilà, on peut. Non, mais bien sûr, tout le monde ne peut pas être positif. Il y a des gens qui peuvent dire des choses qui, qu'ils ont vues. Peut-être que nous n'a pas vu. Hein. Ouais, tout à fait. Voilà. En tout cas, je pense que dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Allez, on enchaîne à la musique. Avec un peu de musique. Allez, DNA, qu'ils ont fait un super show, super sympa, Alex. Ouais, c'est Alex, un artiste qui est complet. Lui très sympa, en plus. Lui qui compose, qui écrit. Et qui chante. Et qui chante. Et c'est lui qui fait les musiques du petit jeune Nino da Canchetin et pour beaucoup pas mal d'autres. D'artistes, hein. Il fait des musiques pour pas mal d'artistes. Et pour Claudia, d'ailleurs. Alors, Claudia, qui nous a fait un spectacle, alors. Elle a fait lever les poils de beaucoup de gens. <monde. rire> En tout cas, oui. Alors, je t'avoue que j'ai. Parce qu'elle rentre dans le show, elle le vit. J'étais à une place que j'ai dû faire, occuper pendant le festival parce que, bon. Mais j'entendais, mais je voyais pas. Mais en tout cas, à la voix, j'ai vu qu'il c'est une très bonne artiste. Encontrar-te não consigo, pois tem embora de castigo pra minha vida. Quando olho teu retrato, fecho a porta do meu quarto e sonho contigo. Nos beijamos, nos amamos e quando acordo, de novo te ligo. Alô. Passando, só de ti me vou lembrando, morena linda. E como eu não te vejo, vai crescendo o meu desejo de ti mais ainda. Quando olho teu retrato, fecho a porta do meu quarto e sonho contigo. Nos beijamos, nos amamos e quando acordo, de novo te ligo. Alô. Vamos pra pista que eu quero dançar. Sente teu corpo rebolar.

é cheia de manhã, beleza pura africana. Me encanta esse teu sabor e o teu jeito não engana. Oh lelele, oh lelela, mais bela que ela não há. Oh lelele, oh lelela, mulher como ela não há. Oh lelele, oh lelela, mais bela que ela não há. deixaste de dar valor. Achaste que eu estaria aqui sempre ao teu dispor. Dizias compreender a vida que eu escolhi. Fingias apoiar, mas nunca estiveste aqui para mim. Tiveste o pássaro na mão, mas voou. E só assim percebeste que eu sou muita areia para ti. Deixa acontecer, não podes esperar. Esta nova raça vai virar. dançar com os pés no canto verde. O local que eu mando com cheiro de paixão. E quando eu te beijar, não vais dizer que não. Vamos para a pista que eu quero dançar. Sente o teu corpo rebolar no meu. Ai, esta dança vai dar de falar. O roça, roça, nós vamos ao céu. Dança viral, prossigo lá em cima. Fumaça e tomate, faça um barulho. Deixa acontecer, vem te entregar. Esta nossa dança vai viralizar. Deixa acontecer, não podes esperar. Esta nova dança vai viralizar. Deixa acontecer, vem te entregar. Esta nossa dança vai viralizar. Deixa acontecer, não podes esperar. Esta nova dança vai viralizar. Cintra vai em cima. Vem te entregar. Que esta nossa dança vai viralizar. Deixa acontecer, não podes esperar. Esta nova dança vai viralizar. Deixa acontecer, vem te entregar. Que esta nossa dança vai viralizar. Deixa acontecer, não podes esperar. Esta nova dança vai viralizar. Saio de Paris, estrada aberta. Vou ver a minha gente, gente como eu. Ouço o vento a chamar-me de volta ao chão que sempre foi o meu. Ai que saudades, vou a caminho daquela casa onde aprendi a amar. Cada curva leva-me ao destino que me chama, que me faz voltar. Por vilas e vales vou passando, as cores do campo vêm-me abraçar. O cheiro da terra vai-me embalando, é o meu país, meu lugar. Ai que saudades, vou a caminho daquela casa onde aprendi a amar. Cada curva leva-me ao destino que me chama, que me faz voltar. Por vilas e vales vou passando, as cores do campo vêm-me abraçar. O cheiro da terra vai-me embalando, é o meu país, meu lugar. Que saudade, vou a caminho daquela casa onde aprendi a amar. Cada curva leva-me ao destino que me chama, que me faz voltar. Na minha terra há um céu que me espera, um lugar onde sei quem sou, onde o tempo descansa nas pedras. O silêncio me acolhe onde vou. Na minha terra há um céu que me espera, um lugar onde sei quem sou, onde o tempo descansa nas pedras. E acolho onde vou. Chego e vejo um rosto. Marco Júnior, aqui nas platinas da Rádio Arc-en-Ciel. Um dos seus últimos trabalhos, Voltar à Raiz. Como é bom, não é? E muitos de nós voltaremos brevemente, não é? É isso mesmo. As férias estão à porta. Para muitos. Há outros que já as gozaram. Mas como é bom voltar às nossas raízes. Que afinal nunca me fui embora. jovem, então, Marco Júnior, ele já não é tão jovem como isso, mas ele já anda no mundo da música há alguns anos, ele já teve algum sucesso e agora veio novamente com este trabalho e mais alguns que teremos oportunidade de ouvir. Passados contigo. Eu já espero que estejam a passar um agradável momento na nossa companhia, na companhia da Rádio Arconciel e do programa Viagem da Saudade. Até às 12. Fique connosco, somos a boa companhia. Eu queria uma aventura como aquelas que tiveste outrora. Mentias quando dizias que era eterno o nosso amor. E sem querer saber, tu foste embora. Vai, vai, deixa-me ficar sozinho. Vai, vai, não quero mais te ver. Preciso de ti na minha vida. Porque coração ferido não perdoa outra vez. Vai, vai, deixa-me ficar sozinho. Vai, vai, não quero mais te ver. Vai, vai, não preciso de ti na minha vida. Porque coração ferido não perdoa outra vez. De amor, passados contigo em momentos de paixão, era um sonho lindo que acabou. Fica apenas mágoa no meu coração. Pensavas que eu queria uma aventura com aquelas que tiveste outrora. Mentias quando dizias que era eterno o nosso amor. Sem querer saber, tu foste embora. Vai, vai, deixa-me ficar sozinho. Vai, vai, não quero mais te ver. Vai, vai, não preciso de ti na minha vida. Porque coração ferido não perdoa outra vez. Vai, vai, deixa-me ficar sozinho. Freitas aqui nas platinas da Rádio Arconcel. Este jovem madeirense. Agora vem um grito que só podia ser de amor. Nação Valente, música de Portugal. Da nação, sangue dos heróis, corre nas veias. Ai, nós somos uns heróis. Conta-nos um bocadinho a história de Portugal, os nossos navegadores, etc, etc. Vamos ouvir. Batalhas infinitas com o

aqui em Barreiros é o depilou tudo, é? Com este calor é mesmo depilar, já foste ao empilador. Il a été si pinestu. Bah, pour aller sur les plages. Et avec cette chaleur, il faut. Oui, oui, oui, les chaleurs. Mais je crois qu'ils annoncent la pluie. Oui, il y aura des orages. Des orages. Violentes, apparemment. On est, et on est dans la zone un peu rouge. Orléans, je sais pas, c'est un jour de la semaine, je sais plus lequel. De mardi à mercredi ou de mercredi à jeudi. En tout cas, il faudra faire attention, il y aura des orages. Mais il paraît que la canicule revient pour la fin de semaine. Les températures re-augmentent en fin de semaine. Donc. Attention, c'est boire beaucoup de l'eau. Beaucoup d'eau, voilà. On a bien dit de l'eau, hein. En tout cas, on est là pour vous présenter aussi la, le week-end qu'on a eu, un week-end mouvementé, hein, la grande fête des saints populaires organisée par Radio Arc-en-Ciel. Un immense succès, c'est ça, Manu? Oui, pour moi, c'est un... Parle-nous un peu de cette fête, comment ça s'est déroulé, alors... comment ça s'est passé visuellement, écoute, logistiquement. Logistiquement, oui, il y a beaucoup. Alors, plus ça va, plus on s'agrandit. Hein. Les gens, ils ont dû le voir par eux-mêmes. Hein. On a une équipe aussi qui travaille là-dessus. Hein. Faut pas. Je voudrais remercier surtout aussi quelqu'un tout à l'heure que j'ai. On a parlé, mais que j'ai pas tout. On n'a pas dit. C'est Nicolas. Nicolas, c'était le technicien, franchement, de tout ce qui est la partie électrique sur scène. Et c'est un boulot monstre. En tout cas, moi, je l'ai vu pendant. Je l'ai vu 4 jours. C'est lui qui a fait les plans un peu du parc. Il a fait les plans des parcours. Tout ce qui était électrique. Après, on a eu de l'aide aussi de Monsieur. Comment il s'appelle? Aurélec, et puis Paulo Fernandez. Voilà, ils nous ont aidés aussi. Mais il y a un nom sur l'entreprise, ça ne me vient plus. Urban Lex. Voilà. En tout cas, c'est Nicolas. Ils étaient extraordinaires parce qu'ils étaient là le vendredi et le samedi. Et le lundi. Et le lundi. Hein, voilà. C'est 2 jours qu'ils ont perdu. Ils n'ont pas perdu parce que. Voilà, mais ils n'ont pas travaillé pour leur entreprise. Ils ont travaillé pour nous. Donc Nicolas, c'est la personne qui a déjà, pas que le vendredi, hein, il a dû préparer ça des semaines à l'avance, bien sûr. La gestion du parc, hein, c'est-à-dire des plans, savoir pour les branchements, tout ça. Et c'est vrai que je l'ai la vu. La logistique de toutes les prises pour tous les stands. Oui, tout ce qui est électrique. Je l'ai vu travailler pendant 4 jours non-stop, puis il n'a pas arrêté. Il n'a pas arrêté. Avec la chaleur qu'il faisait en plus. Donc, un grand merci à Nicolas pour son aide. Voilà, sans qui aussi, bah, il y a beaucoup de choses qui ne pourraient pas se faire, hein, faut le dire ce qui est vrai. Et puis bon, il avait toute sa une petite équipe avec lui pour l'aider à faire les branchements de câbles, des trucs comme ça. Donc voilà, vous voyez comme quoi des fois on parle tout à l'heure. C'est pour ça que je pense que Christine aura l'occasion d'en parler. Et même, il y en aura des oubliés, c'est sûr. Parce que... Oui, mais Christine, elle va en reparler à l'antenne. On va faire un petit spot. On fera un petit spot de remerciement. Et que dire d'autre? Oui, ça s'est bien passé, la logistique, comme je te disais. Donc c'était dès le vendredi matin, jusqu'à hier soir, on va dire 19h. Alors je sais pas si il y en a qui doivent s'en rendre compte, tout ce travail qu'on donne derrière, mais c'est un immense, on donne de notre énergie pendant, là, les 4 jours, mais après, il y a eu déjà depuis 6 mois qu'on travaille. Bien sûr, l'équipe de Radio Arc-en-Ciel s'est déjà travaillé déjà là-dessus depuis quelques mois, on va dire, depuis de longs mois, pour contacter les artistes, contacter les entreprises, réserver justement le matériel, réserver les locations de... comme là cette année, il y a eu un poste de secours. Les gens, ils ont peut-être pas vu le poste parce que le poste, il était à l'intérieur de la salle, mais les gens patrouillaient à l'extérieur, Où il y aurait un blessé, il y a eu 2-3 petits trucs. Il y a des petites interventions, mais dues à la chaleur, chaleur des trucs. Mais ils sont ça. Là pour ça, disons. Mais oui, je pas assez un budget en plus, hein. Faut dire, tout ça, ça se paye. Tout a un coût, bien sûr. Des fois, il y a des gens, l'augmentation du budget à chaque fois ça augmente parce que il y a des règles qui sont posées, hein, pour des grands, de plus en plus de monde, de plus en plus de, il y a plus de règles, plus de sécurité, plus de... Cet événement-là, c'est vrai que si on remonte quelques années en arrière, plus ça va, plus ça grandit. Avant, on avait une scène et puis basta, au début. Hein. On avait 2-3 stands. Et un bar, et puis c'était bon. En tout cas, non, ça s'est très bien passé. Voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui... Enfin, je remonte loin quand même. Hein. Ouais, aujourd'hui, on est content quand même d'être là parce que là, comme je vous dis, on est encore un peu fatigué. personnellement, bon, moi, ça va, je peux, comme dit l'autre, je suis pas un acteur actuellement. Toi non plus, Lionel d'ailleurs. Nous, on peut récupérer plus facilement, mais tous ceux qui ont été travaillés ce matin, j'imagine. La semaine, va être dure. Ça va être dur pour tous les gens qui ont été travaillés ce matin. Moi, j'en ai eu quelques-uns qui étaient au bar tout le week-end. Et hier, ils étaient rincés. Ah bah, je n'ai même pas entendu parler d'eux hier. Ils n'ont pas appelé, non. C'est qu'ils étaient... Bah, hier, déjà, ils ont travaillé, bien sûr. Ils ont commencé à travailler aussi hier. Ouais. Donc, bah oui, comme vous dites... Ils vont pas être productifs cette semaine. Un grand merci à vous tous, voilà, qui avez participé de près ou de loin. Toute l'équipe de l'entreprise Alberto. Alberto aussi, qui a tout géré, tout ce qui était sur place. Hein, tous les montages. Tout ça. Un grand merci aussi à lui. Voilà. En tout cas, un grand merci à tous ceux qui étaient présents pour aider à tous les bénévoles tout au long de cet événement-là. Et je pense qu'on reviendra justement... pour en parler un peu plus longuement sur les sponsors et tous ces gens-là qui nous ont aidés. Là. Parce que sans les sponsors, on n'aurait pas d'argent pour payer les artistes. Non. Parce que le bar, tout ça, c'est pour toute la logistique un petit peu. Et notre bénéfice, c'est un petit peu tous les sponsors, faut dire ça comme ça. C'est les sponsors, bien sûr, qui aident. Alors, bien sûr, plus on est aidé, plus on pourra faire des grandes fêtes artistes. On aurait pu emmener Tony Carès, on aurait un budget. S'il y a quelqu'un qui veut le payer, il n'y a pas de souci. Oscar Lemus, Nilin Vaz, Maï, ou Schutz, on pourrait faire. Voilà. Après, notre fête, ça a été une réussite. Il y a une autre fête aussi, je vais en parler parce que je pense qu'il va y avoir une publicité là-dessus. Il y a une autre fête qui va à peu près dans le même type que nous, qui va bientôt arriver, je crois, c'est autour du 5, 6 ou 6, 7 juillet. À Saint-Benoît, je crois. Mais il va y avoir une pub, normalement, qui va être... La maison... Non, c'est pas celle-là. Non, il y a une autre fête aussi. Parce que là, on est dans la période des fêtes. De toute façon, on est dans la période des fêtes. Et nous, sur Orléans, on a de la chance, parce que, pour l'instant, les entrées, ils sont pas payantes. Non. Que sur Paris, il y a quelques années, tout était gratuit. Maintenant, ils sont tous payants. Et... Si on veut avoir... Des bons alors des fois artistes nous dit à sont Paris, bons, des grands artistes il y a une affiche oui mais les entrées sont payantes si on veut avoir des grands artistes c'est pas le même budget que le nôtre donc pour les payer il faut trouver de l'argent soit c'est les sponsors qui voilà faut qu'on aille vers eux et je sais que c'est dur aujourd'hui pour les sponsors les entreprises aussi peinent donc c'est dur d'aller les voir tout au long de l'année pour qu'ils nous aident. Soit on fait payer les entrées. Bon, au jour d'aujourd'hui, on pourrait. Le parc Ouenet, il n'est pas fermé, mais on pourrait le fermer. Mais ça demanderait beaucoup de travail aussi. Mais peut-être qu'un jour, va falloir y venir à ça. On va voir. On n'est pas là encore. Non, on n'est pas encore là. Pour l'instant, c'est un événement qui est gratuit, restera gratuit. Ça reste populaire. Je pense qu'il faudrait peut-être essayer de garder cette image-là. Quoi. Tant qu'on peut, faut garder cette liberté de se contenter d'une petite fête comme nous, parce que oui, si on petite, moi je la trouve grande notre fête. Je la trouve grande. Pour notre niveau. Ouais. Mais pour notre niveau, je pense qu'on arrive à un niveau où. On est limite déjà. Voilà. Si on va plus loin, après on passe de l'autre côté. Là, on passe vraiment dans la cour des grands. Là. Ouais, et après, il faut une entreprise vraiment pour gérer tout ça correctement. Ouais, ouais. C'est une autre logistique. Hein. Voilà. Et puis je trouve que c'est convivial. Faut dire qu'on est tous des bénévoles. On n'est que des bénévoles. Alors c'est ça qui est important aussi à dire à nos auditeurs. On est tous des bénévoles. On donne tous notre temps, notre savoir-faire. Justement, notre... d'où le petit message là. Devenez adhérent. De la radio, ça aussi c'est imagine. Alors c'est 20 euros par. Ouais, mais moi je vais pas payer pour écouter de la radio, Manu. Non, c'est ce qu'on. Des fois c'est ce qu'on répond. Et pourtant ils écoutent la radio quand même parce que. Donc devenez adhérent si vous voulez, c'est 20 euros par an. C'est pas grand chose pour vous, mais imaginez 20 euros juste pour aller 1000 personnes. Ça fait combien? Ça fait 20 000. Ah oui, 20 euros. 1000 personnes avant. Et ben tout ça, ça aide. Je suis pas bon en calcul là. Ce matin. Et maintenant, on va aller 2000 personnes de adhérents. Ben voilà. 40 000. Ça paye une partie des frais de l'année. À savoir que. Et puis 20 euros, tu les vois pas passer dans l'année. Tu les vois pas. À savoir que bon, cet argent aussi, il y a tout à faire le fonctionnement de la radio. Hein, ouais, l'électricité. toute l'électricité parce que ça consomme hein, une la radio. Faut dire qu'on n'est pas malheureux, on a la clim dans les studios, on est aussi obligé depuis un an ou deux, on a la clim, on a. Dernièrement, on a beaucoup investi dans la radio. Et il fallait aussi. On a changé notre table, hein, notre belle table que j'ai justement. C'est un plaisir. C'est juste avec moderne. Tout à fait. Juste à appuyer, carrément, fallait. Donc voilà à quoi sert l'argent de nos événements, hein. De ces fêtes, oui, de toutes ces fêtes. À savoir que cette année 2025. Ça va être compliqué, 2026. Et 2026, aussi. Pareil, parce que on a pas de salle pour faire nos grands événements qu'on fait nos balles et on trouve toujours pas de salle justement. Et s'il y a des entreprises qui ont un gros dépôt ou je sais pas qu'on pourrait nous proposer pour le mois de novembre, là, on est à la recherche d'une salle. Oh. On est à la recherche d'une salle d'une capacité de minimum 600-700 personnes. Si on pouvait trouver quelqu'un qui peut nous proposer ça, ah, bien sûr, faut que ça reste aussi dans aux alentours d'Orléans, hein, parce que tous les gens qui nous écoutent sur la radio, c'est des gens de la zone, quoi. Ça serait bien que ça soit une salle qui soit pas trop loin. Oui, autour de 10 kilomètres d'Orléans. 10-15, moi je dirais jusqu'à 15 kilomètres, 15 kilomètres de là. Donc s'il y a des gens qui connaissent des salles à louer pour le mois de novembre. Où on peut accueillir minimum, je dis bien minimum, 700 personnes, 600-700 personnes. 1000. Bah ça, non, je parle du minimum. Et après maximum, ça peut être à 1000-1200 personnes. Et ben si on a une grande salle, on pourra faire quelque chose de bien. Ouais, parce que c'est les 40 ans de la radio. Et nous, on voudrait. Sinon, on sera obligé de pousser à 2026. Voilà, on voudrait marquer le coup. Et on a une idée. On avait une idée avec toutes les gens du conseil pour faire quelque chose de bien. Mais pour ça, il nous faut une grande salle. Donc voilà. On a cherché. Pour l'instant, on n'a pas trouvé. On a trouvé, déjà cogné hein. À pas mal de portes. Alors, il y a des petites salles de 400 personnes. En plus, c'est limité parce qu'il faut fermer à 1h du matin. Tout ça, donc c'est un peu compliqué. Donc, si vous avez une connaissance qui peut nous indiquer où nous louer une salle pour le mois de novembre, qui peut accueillir minimum 700 personnes. Aussi, une entreprise qui veut nous louer une salle comme le Zénith. Qui veut l'offrir. Nous, on est preneurs. Qui veut sponsoriser cette événement. Je vais pas divulguer l'idée qu'on a, Arc-en-Ciel. Non, faut pas. C'est une belle idée d'ailleurs. Ouais. Et un Zénith, ça nous irait bien. Parce que les deux derniers grands événements, si les gens se rappellent bien, on a quand même fait venir George Floyd et au Zé Amar, qui a très, très bien fonctionné. Et on avait une salle qui était de 1000 places, à peu près, je crois. Et elle a été remplie. Je crois que même. On a été obligé de refuser déjà. Donc voilà. Et le jour d'événement. C'est pas le but, hein. Non. Et le jour d'événement qu'on voudrait faire, c'est un peu dans ce genre-là. Donc ça veut dire qu'il y aura beaucoup de gens. Donc il faut une grande salle. Donc en attendant que, voilà, malheureusement, la salle de Montition est toujours en travaux. Je pense qu'ils ont déjà dû commencer et elle sera pas prête avant la fin, d'après ce qu'on nous a dit, 2026. De toute façon, on a déjà des dates pré-réglées pour. Ouais, on avait déjà des réservations, mais bon, qui ont été annulées. Donc, du coup, pour vous dire que 2025, on n'a pas eu de recettes sur les événements. 2026, ça va être pareil. Donc, voilà donc notre demande aux gens qui d'être peuvent adhérents, d'être adhérents. Et c'est facile, vous mettez une enveloppe. Un chèque de 20 euros au nom de votre IOTA. Votre nom, votre adresse. IOTA Radio Arc-en-Ciel, vous mettez. Et l'adresse, le nom où vous voulez recevoir le petit reçu. Oui, leur nom, le nom et la carte prénom, adhérent. Et puis leur adresse. Et puis nous, on leur enverra la carte adhérent et un reçu à l'adresse qui en est en plus, vous pouvez participer à l'Assemblée tous les ans. Bien sûr. Voter pour. Ils peuvent venir pour savoir comment la radio se porte. Comment est gérée la radio. C'est, une fois par an, tous les comptes sont exposés à tout le monde, à tous les gens qui sont adhérents. Ils peuvent poser toutes les questions qu'ils veulent. Donc voilà pour devenir adhérent. Mais il faut se dire, devenir adhérent, c'est une façon d'aider la radio. C'est ça qu'il faut se mettre dans la tête. C'est juste ça. Adhérent, j'aide la radio, c'est tout. Après, après un petit don, je sais pas. Bien sûr, on accepte aussi des dons. Il y a des gens qui ont déjà fait quelques petits dons. En plus, quand c'est des dons un peu plus, on peut faire des reçus pour les impôts. Pour les impôts, je crois. Oui, ça c'est. Enfin, ça c'est. C'est notre ami Jérôme qui est notre comptable qui pourra expliquer un petit peu. Oui, des dons, on peut les déduire des impôts. C'est ça. Bon, bah écoute, en tout cas, moi, pour ma part, bah, j'ai été très très content pour cette fête. Ça s'est bien passé. On va essayer de récupérer. Manu qui a donné pas mal de son temps, de son savoir-faire. Il y a pas que Manu, il y a Lionel, il y a Christine, il y a Alberto, il y a Mathis, il y a Fernanda, il y a Jérôme. Tous les gens, voilà, tous ces... Il y en a qui sont plus dans l'ombre, mais c'est pas pour ça qu'ils travaillent. Mais ils sont présents avec nous quand même. Ils sont dans l'ombre, mais ils sont présents. Il y a pas que ceux qui montent sur le podium qui travaillent. Tout à fait. Le conseil, chacun son petit domaine, toute une équipe, hein, les noms qu'on a donnés là, toute une équipe qui travaille, qui s'assoit, voilà, même dans l'ombre, mais ils travaillent aussi pour la radio. Donc voilà, en tout cas, un grand merci aussi à eux. En tout cas, merci d'être passé pour nous, pour donner à savoir un petit peu à nos auditeurs aussi tout ce qui s'est passé ce week-end, comment ça fonctionne, c'est intéressant aussi que nos auditeurs ils sachent un petit peu. Tout au long de la semaine, et je pense que samedi, dans l'émission Christine, elle donnera beaucoup plus de détails. Elle fera des remerciements pour tous les gens qui ont participé, qui ont aidé la radio. Donc voilà, samedi matin. Christine vous fera, je pense qu'elle fera son émission qui sera dédiée justement à cet événement-là. En attendant, bah merci Lionel de m'avoir reçu. Moi, je vous souhaite une bonne semaine et je pense que nous, on va aller se reposer un petit peu cette semaine. On va y aller mollo, quoi. Ouais, ça va être la sieste après manger. Non, j'ai du boulot. pris du retard chez moi. Là. On a tous du travail. La seule différence avec les gens qui sont actifs, c'est qu'eux, ils sont obligés d'y aller. Nous, on peut y aller quand on veut. Des fois, les retraités sont plus débordés que les... C'est ce qu'on dit. En tout cas, merci à vous de nous avoir écoutés et puis à toi, Lionel. Et puis, on va continuer. Je pense que l'émission n'est pas encore terminée avec encore un peu de musique. Merci, Manu. Et puis, bonne journée à toi. Merci à toi. Merci à vous tous qui nous écoutez. Allez, on continue avec Nemmous, qu'ils ont leur nouveau succès, certainement, et des sorties qu'hier aussi, Oshawa. Oxalá, oxalá. a boa disposição aqui na Rádio Arconciano no 96.2 para você que se encontra a ouvir a nossa rádio no 96.2. Um ótimo dia para si que está a trabalhar. Muita, muita coragem. É preciso bem com este calor. Agora vamos recordar uma música antiga e que o José Malhoa também canta, o DNA também as cantam em espetáculo muitas vezes, e ela é Tu Não Prendas o Teu Cabelo. Aqui na versão original foi este jovem José Pinhal que a cantou, que a fez esta música pela primeira vez e que está a ser um grande sucesso agora. Thank you. acabou. Temos que nos ir embora. Logo eu me perguntei: o que fazemos agora? Vamos comer qualquer coisa para a fome abafar. Já dançamos toda a noite e agora vamos descansar. Foi toda a noite um xa-xa-xa. Foi toda a noite até amanhecer. Foi toda a noite um xa-xa-xa. Com ela dancei, com ela vivo bem. Foi toda a noite um xa-xa-xa. Foi toda a noite até amanhecer. Foi toda a noite um xa-xa-xa. Com ela dancei até o sol nascer. Ai, xa, xa, xa. Aqui o bailarico do xa, xa, xa com os iniciadores. Espero que esteja do vosso agrado. Estamos na reta final do programa Viagem da Saudade. E agora vamos ficar com a nossa Cláudia Nayara. Ela vai nos cantar a sua rumba cigana. Esta música vai especialmente para o Alberto e toda a sua equipa. Vamos lá, é para eles. Perdido o meu caminho. Já tive mil desgostos, deixando em meu rosto as marcas de uma vida sem carinho. Mas para acalmar a dor e o mal que me destrói, eu danço no meu esquerdo. Abandonada e também condenada a uma vida que eu não quis para mim. Já tive mil desgostos, deixando em meu rosto as marcas de uma tristeza sem fim. Mas para acalmar a dor e o mal que me destrói, eu danço rumba e esqueço o meu destino. Eu sou feliz. Esqueço de mim, até no amor não sinto dor. Dançando rumba, dançando rumba. Eu sou feliz, vivo a sorrir, até meu olhar não chora mais. Dançando rumba, dançando rumba.

Amor Perfeito. Todos queremos um homem caliente, paixão ardente que nos fascina. Eu também queria ser amada e acordar sempre com uma flor. Ai, aquele que namorar comigo terá carinho e muito amor. Quem está pronto para se apaixonar, está pronto para se envolver. Como o homem que vai ter coragem para mandar mensagem e me enlouquecer. Quem está pronto para se apaixonar, quem está pronto para se dar paixão. Essa mão no ar agora, essa ideia tona do teu coração. Quem não sonha com um amor perfeito, com alguém que nos possa trazer. Todas temos um homem caliente, paixão ardente que dá prazer. Eu também queria ser amada e acordar sempre com uma flor. Ai, aquele que namorar comigo terá carinho e muito amor. Quem está pronto para se apaixonar, quem está pronto para se envolver. Como um homem que vai ter coragem para mandar mensagem e me enlouquecer. Quem está pronto para se apaixonar, quem está pronto para me dar paixão. Essa mão no ar agora, essa ideia dona do teu coração. Deixa pronto pra se apaixonar, deixa pronto pra se envolver. Ai, quem está pronto para se apaixonar, hein? Bombocas, amor perfeito. Mais um sucesso destas duas, desta dupla da música portuguesa. Agora vem aí também uma dupla. Ele chama-se Dani, ela chama-se Marie e é a Boate Azul. Lucrarão na hora, noite quando mudei. Tinha uma dor no meu peito que não sei o que se passa. Será que o meu amor por ela é tão profundo que eu penso numa desgraça? Noites com ela passei, mulher e filha deixei. Nova música do grupo DNA, Dança no Arraial. Eles prometeram, eles fizeram, eles disseram que nos iam mandar logo que estivesse disponível. Nós já temos aqui DNA, nova música, novo sucesso, certamente Dança no Arraial. Agarradinhos, não falhamos um compasso. Ela gira, ela roda. Ai meu Deus, o que é que eu faço? O povo que é esperto, aos dois nos quis juntar. Ai, ai, ai.

respirar, eu vou. Vamos todos respirar com este calor. Temos que respirar bem forte. Portanto, chegamos à reta final aqui do programa Viagem da Saudade. Eu já misturo tudo hoje. Vamos lá. Espero que tenham passado um agradável momento na nossa companhia com a música portuguesa. E eu muito obrigado à nossa amiga Mânio, que esteve aqui presente também para nos falar um bocadinho de como se passou a grande festa dos Santos Populares este fim de semana. Quanto a mim, tenho a marcar encontro para a semana próxima. Até lá. Tudo o que há de bom para vocês. Passem uma ótima semana e um muito bom dia. Vamos deixá-los com RDP Internacional. Bom dia. Horas da manhã no continente e na Madeira, 10 horas da manhã nos Açores. Títulos desta edição. Não se pode confundir a árvore com...